les plus beaux pays du monde. Ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde, ou encore en gourdissant flamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Mais je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. T'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fous, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Mais je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. Oh, on devient étonnant. C'est dommage. J'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre une presse, oh, si j'étais un homme, t'appellerais tous les jours. Que pour entendre ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voit, et j'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Mais je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Des histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. Oh, on devient écolo. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé. Plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre mes fesses, oh, si j'étais un homme.